Le Victoria, une demi-heure après, se maintenait immobile à 200 pieds du sol. « Nous voici près de Karnak, dit le docteur, la capitale du Logum. Nous jouons de bonne heure, tout nous réussit. Nous découvrirons le lac Tchad aujourd'hui même. » C'est aujourd'hui le 12 mai. Nous sommes partis le 18 avril. C'est donc 25 jours de marche. Encore une dizaine de jours et nous serons arrivés. Où ? Je n'en sais rien, mais que importe. Tu as raison, Samuel. Fions-nous à la Providence, du souhait de nous diriger et de nous maintenir en bonne santé, comme nous voilà. Vive les voyages aériens ! S'écria Joe. Les voyageurs suivaient directement alors le cours du Shari. Les crocodiles s'ébattaient en plein soleil ou plongeaient sous les eaux avec une vivacité de lézard. Vers 9h du matin, le docteur Ferguson et ses amis atteignaient enfin la rive méridionale du lac Tchad.